18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonsoir et bienvenue sur notre émission Convergence 89.5. Et on a la chance d'être au Boomerang. Et on est invité. Lieu atypique lyonnais. Et on est invité par la chère Mathilda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Et bienvenue à notre émission, mais merci pour l'invitation. Voilà, vous aurez compris. Et on a la chance d'être avec la team Convergence. Et hello tout le monde. Salut. Salut les gars. Voilà, donc le petit Franco, Peggy pour les portraits chinois, Pierrot, on a aussi Elliot. On a Nobi aussi, donc je vous dirai pas qui c'est la surprise, qui fait ses premiers essais sur le titre radio. Et donc sur ce, on va continuer avec quelques questions, comme d'habitude. Et du coup, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur toi, Mathilde? Alors, du coup, je suis la cofondatrice de Boomerang. On est deux filles à avoir créé un établissement culturel, un tiers lieu culturel, je dirais même. Donc Mathilda et Ambrine. Aujourd'hui, on a la chance, depuis septembre, de réhabiliter un immeuble de 3 étages au centre de la Guillotière et d'en avoir fait un espace et un lieu convivial pour la jeunesse lyonnaise, mais aussi pour l'art, la culture, la fête et le réfléchir ensemble. Génial. Et comment cette idée, du coup, a pris maturation? Alors, il faut savoir que cet immeuble... Pardon, je t'ai coupé. Non, je veux dire de l'étape du projet jusqu'à ce que ça... Ok. Il faut savoir que cet immeuble, en fait, il a une histoire assez particulière. Il a été une maison close il y a très très longtemps. Après, il a été un café puis un restaurant algérien. Il a été racheté par un immobilier et ils ont créé ce qu'on appelle la Taverne Gutenberg, qui est maintenant au Hall du Faubourg, qui avait pour projet de faire des résidences artistiques dans chaque pièce de l'immeuble. C'est un projet, c'est un bel héritage culturel d'ailleurs qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, après la Taverne Gutenberg, il y a eu un bar à cocktail qui s'appelait Le Cartel, qui a repris un peu cette idée d'exposition pour collective avec des artistes. Ouais. Et en fait, moi j'ai travaillé dans ce bar à cocktail avec Ambrine, qui était la barmaid. D'accord. Et c'est comme ça qu'en fait on a eu l'opportunité, parce qu'on était toutes les deux dans des projets très culture et art. Ouais. Moi aussi j'avais des projets journalistiques. D'accord. On a rassemblé tout ça, donc quelque chose assez on peut parler un peu d'entrepreneuriat culturel. Et on s'est dit, on va se lancer dans cette aventure, on va créer une association et on va tout refaire, toute l'identité. On va tout repeindre les murs, on va créer un nouveau concept. Ouais. Et on s'est lancé en fait en août avec une première ouverture début septembre. Du coup. D'accord. Et c'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez jamais eu l'occasion de commencer une aventure pareille, donc prendre un lieu associatif. Non. Et un peu genre du début jusqu'à... Ouais. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez des conseils un peu de l'ancien propriétaire du cartel qui vous a un peu conseillé sur le lieu, qui vous a donné des tips? Nous, on a bossé longtemps en fait dans cet immeuble sous le cartel. Ouais. Enfin, longtemps, beaucoup, assez de mois en fait pour savoir comment ça se passait, quel était... les défauts, les richesses du lieu, donc on connaissait quand même vachement le lieu, pour être honnête. Mmh. Et à côté de ça, moi j'avais fait des études dans la culture et l'événementiel. D'accord. Ambrine, elle était barmaid, donc en fait on avait beaucoup d'éléments en commun qui nous permettaient de se dire on va se lancer. Après, on est très jeune, Ambrine elle a 23 ans, moi j'ai 24 ans. D'accord. Du coup au début ça a été un petit peu compliqué, on a eu beaucoup d'obstacles, mais qui au final ont permis aussi d'aboutir à quelque chose d'assez fort. Et aujourd'hui, on est assez fiers de la communauté qu'on a pu construire en fait à Boomerang et des valeurs en fait qu'on peut aussi transmettre à travers la fête, à travers des conférences, à travers les médias. Enfin, je peux peut-être détailler un peu plus ce qu'est Boomerang. Peut-être que vous allez avoir des questions. Mais, bien sûr. Du coup, en fait, Boomerang, au-delà d'être un immeuble, donc il est porté par une association qui s'appelle Boomerang, c'est le même nom. Et il y avait cette idée. Déjà de partager la culture dans son ensemble pour tous et à l'échelle de tout le monde en fait. Et il y avait cette idée de créer des événements, de créer une exposition par mois. Ouais. Donc on était très empreintes d'art, d'accord, art visuel. Ça pouvait être de la photo, ça pouvait être de l'art plastique, ça pouvait être de la vidéo. Il y avait beaucoup de formes. On était aussi dans un entourage où il y avait beaucoup d'artistes. Mmh. Que ce soit dans la musique, on connaissait énormément de DJ, on connaissait beaucoup d'orgas, on connaissait, enfin, on était, en fait, on était dans une sorte de micro-zone qui était qui a grossi d'un coup. Et on, avec toutes les connexions qu'on a pu faire, parce que moi à côté j'ai un petit média, du coup on était baignés en fait de connexions de jeunes qui eux-mêmes entreprenaient dans la culture. Et ça nous a permis d'imaginer en fait l'association. Aujourd'hui, l'association a plusieurs pôles en fait. Elle a un pôle qui est hyper basé sur la réflexion, c'est-à-dire comment. C'est-à-dire comment on va. Petite invitation. On aiderait quelques invités. Oui, pardon. Qui est basé sur la réflexion, c'est-à-dire qu'on crée des cafés débats, on crée des conférences, on est aussi un hub créatif, mais aussi un hub média, c'est-à-dire que tu peux. On invite beaucoup de petits médias émergents et locaux à Lyon, mais on va aussi, par exemple, si quelqu'un pousse la porte de l'immeuble et dit « ouais, j'ai envie de créer une association », il peut trouver beaucoup de réconfort ici, parce qu'on va lui expliquer comment on peut faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de solidaire. Ouais. Et au-delà de la réflexion et du côté un peu média, qui est d'ailleurs, par exemple, là, on est en train d'enregistrer quelque chose, mais tout ce qui est podcast et conférences, parfois ça va bien ensemble, donc ça se marie très bien. Il y avait cet autre pôle qui était la culture, l'art et la fête, en fait. Ouais. Et toutes ces choses, un peu comme nos connexions, se sont entremêlées et nous a permis de créer des événements, par exemple assez hybrides, où tu peux avoir une conférence l'après-midi et un DJ set le soir. Ouais. Et par-delà la fête, parce que c'était un peu le risque de se dire on est jeune, du coup on va faire la fête. Ouais. Et souvent la jeunesse est associée à toute festivité en fait. Mais c'est un, Et du coup parfois ça décrédibilise un petit peu les gens, mais ils ont dit vous faites que la fête. C'est ça. Nous, il y a beaucoup de notions qui est oubliée par rapport au fait qui est la fête n'est pas forcément quelque chose où les gens ne vont pas aussi partager, discuter, genre juste avoir différentes idées et avoir des projets aussi. Et c'est ça qui est aussi assez dommage par rapport à notamment la situation qui a toujours été un peu répressive par rapport à ce milieu-là. Ouais. Et puis nous, il y avait cette idée, c'est assez marqué partout ici, c'est qu'il faut repenser la fête. Et qu'on est, nous en tant que jeunes, on peut repenser des choses, on peut recréer, c'est très utopique, hein, mais on peut créer un nouveau monde, on est l'avenir en fait. Ouais. Du coup, on est aussi légitime à penser, comme tout le monde, mais en plus, on a nos valeurs, notre génération, elle est baignée dans le numérique, et il y a aussi de l'expérience intergénérationnelle qu'on peut nous transmettre pour nos aînés. Exact. Et on s'est dit, mais en fait, la fête, nous en fait, d'un point de vue personnel, on l'a consommée, on l'a créée, parce qu'on a créé, on a fait de l'événementiel, on l'a filmée, on l'a prise en photo, parce qu'on est des artistes. Et du coup, cette notion de la fête, on s'est dit, mais il faudrait imaginer la fête de demain. Ça sera quoi? Comment on va? Surtout avec le Covid, mais on n'est pas obligé d'en parler, on en parlera plus tard peut-être. Mais comment t'imagines la fête de demain? Comment t'imagines une fête qui soit plus bienveillante? Comment t'imagines une fête qui soit plus responsable écologiquement, par exemple? Comment tu vas consommer la fête? Et ça, c'est des questions qu'en fait beaucoup de jeunes se posent. Parce qu'à un moment où tu as bien fait la fête, tu te poses la question de pourquoi tu fais la fête. Ouais. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai et de plus en plus légitime d'y penser. Parce que quand tu vois que le ministère de la Culture boude un peu le monde de la nuit, ça veut dire qu'il est aussi rempli de clichés sur l'idée du monde de la nuit. Ouais, ça ne résume pas qu'aux discothèques en fait. Ouais, c'est une très belle lettre de Roland Garnier d'ailleurs qui est sortie il y a quelques jours au ministère de la Culture. Ouais. Et du coup, c'est intéressant d'y penser. Ouais. Et du coup, toi Mathilda, comment tu vois la fête après cette période, après cette gestion de quelques mois du boomerang? Où est-ce que tu vas avec cet asso? Est-ce que tu vas... Comment va se passer la gestion justement du boomerang? Tu vois les choses à la situation d'aujourd'hui? Alors la situation, elle est compliquée parce que nous, on est dans une crise sanitaire et tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Nous, en tant que jeunes, parce que principalement à Boomerang, on a tous moins de 30 ans. En fait, c'est le cœur de notre cible, on a tous moins de 30 ans. On cherche en fait à se dire que... Il y a eu beaucoup de mots dans les médias. On a parlé d'une génération qui était sacrifiée. Parce que, par exemple, notre accès à l'éducation est différent. C'est-à-dire que maintenant, on est tous en distanciel au niveau des universités et des écoles. Et on ne peut plus vraiment toucher, danser, on est en situation, on est très de façon individualiste, dispatché, confiné. Ouais. Et du coup, nous, on a un milieu qui est culturel et nous, on cherche à faire du lien et du vivre ensemble. Ouais. Donc c'est en totale opposition avec ce qui est en train de se passer. Donc ça nous pousse, au-delà de réinventer un modèle économique, parce que là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment complexe et qu'il faudrait vraiment tirer une alarme là-dessus, parce que pour la culture indépendante, ça devient critique. Nous, à Boomerang, bien sûr, là, on est dans un jour assez compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir le confinement ce soir? On ne sait pas trop. Je pense que c'est important de se dire, On va réfléchir, on va se confiner par exemple, on va faire des cycles de conférences en ligne, ouais. on va réfléchir à la culture, on va réfléchir à la fête, on va réfléchir à la jeunesse. Ouais. Et je pense que ça va commencer par une réflexion, parce que la fête elle est finie, voilà, il faut se rendre à l'évidence. Donc maintenant on va commencer à réfléchir et après on refera des événements, on refera du partage. Et je pense que c'est par là que Boomerang va aller. Ouais. C'est pas faux, et c'est vrai que c'est assez impressionnant justement par rapport à après le mode de fonctionnement, je trouve, en tout cas, de Boomerang. Par exemple, utiliser des médias qui sont, en tout cas, que j'ai pas encore vu être utilisés, même si c'était une époque avant Covid, comme par exemple Instagram, pour mettre en avant différentes conférences ou autres, je trouve que c'est très impressionnant et c'est vu à une vitesse qui est vraiment, vraiment, vraiment belle. Et c'est vrai que je me dis que c'est totalement vrai que c'est seulement avec le groupe aussi qu'on a plus de projets, plus d'idées et qu'on arrive à partager différentes façons d'aller plus loin. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux médias. Tu as dit tout à l'heure que tu étais fondatrice d'un média. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors moi j'ai une deuxième casquette dans la vie. Wow. Je suis fondatrice d'un petit média à Lyon qui s'appelle Yoshka, qui a à peine un an. Mais il y avait un vide médiatique à l'époque, on a créé ça avec une équipe, sur l'actualité de la jeunesse lyonnaise. Donc pareil, même principe que Boomerang, les moins de 30 ans, il n'y avait pas assez de médias qui mettaient en lumière de façon hyper locale ce qui se passait au niveau des jeunes. Et du coup, on a créé ce média qui s'appelle Yoshka et on interview du coup plein de jeunes qui parlent de l'actu, de leurs projets. Ouais. Et, tout type. Tout type de projets, il n'y a pas une vieille ligne directrice. Non, c'est sociétal, ça peut être culturel, c'est hyper large. Et tout ce qui peut intéresser aussi cette jeunesse-là. D'accord. Et du coup, voilà, on met de la lumière là où il n'y en a pas. Bah, du coup, on vous invite tous à suivre Yoshka. Exactement. Sur Instagram. La jeunesse lyonnaise et la jeunesse. Parce que c'est basé à Lyon, du coup, Yoshka, ouais. C'est que les lieux de la jeunesse. C'est uniquement local, c'est okay. À Lyon. Eh bien, génial. Eh bien, merci beaucoup encore une fois. Et sur ce, on va écouter un petit set concocté par la team. On reviendra dans quelques minutes à la fin de ce set pour du coup un portrait chinois. Excusez-moi, un portrait chinois. Ouais. Désolé. Concocté par la petite Peggy. Encore merci à tous. Bonne écoute. Bonne écoute.

gonna call? Et de retour sur les ondes, on espère que vous avez apprécié cette petite pause musicale. On va enchaîner directement avec ce portrait chinois, ouais. Animé par la petite Peggy. Ouais. Alors le portrait chinois, c'est très simple. Sur le principe des portraits de base, si t'étais une couleur, si t'étais... voilà, ok. Sauf que c'est un peu plus personnalisé. Ok, ça on y va. Ça va être drôle. Si t'étais une femme célèbre, tu serais qui? Ah ouais, ça fait <t'as> ça. Ça fait toujours cet effet. Bah, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être peu importe. Non, moi je serais, il y a une féministe américaine qui s'appelle Gloria Steinem et j'adore ce qu'elle fait. Bien joué. Ok. Waouh. Si t'étais une saison, ce serait laquelle? Ah, ce serait l'été. Si t'étais un homme, le temps d'une journée, tu ferais quoi? J'abolirais l'inégalité homme-femme tout de suite. Bien vu. Ah ouais, ok, on bien est parti sur des mais bases oui, que ça. Mais je savais qu'en faisant c'est bien, c'est bien. C'était si t'étais une citation, ce serait laquelle? Oser, c'est pouvoir. Bien. Waouh. Bon. Non, c'est chez tout le monde. Si t'étais invisible, t'irais où? Alors, si j'étais invisible... J'irai espionner mes meilleurs potes, je pense. C'est une blague. C'est une bonne idée, ouais. Pourquoi pas. Si t'étais nommé au ministère de la Culture, ce serait quoi ta première mesure? Ce serait de réouvrir les nightclubs. Bien. Ouais. Si t'étais un sens, tu serais lequel? La vue, oui. Je pense que je serais la vue. Si t'étais sur Tinder, ce serait quoi ton pseudo? Moi, j'étais sur Tinder. Alors, mon pseudo, je pense que ça serait. En fait, ça serait le même que je porte. Bonsoir Mathilda. Okay. Et je pense que j'utiliserais le même, clairement. Ouais. Clairement, ouais. Ok. Si tu devais être reconfinée, t'irais où? Alors, bah, ça va choquer tout le monde, mais je resterai à Lyon, moi. Ouais. Je trouve chose à faire ici. Bien joué. Moi aussi, je choisirais ça. Si je te donne 1 million d'euros, t'en fais quoi? Bah franchement, écoutez, j'aurai tout un plan. À la fois, je ferai du caritatif, à la fois, je ferai de la culture, j'achèterai un énorme hangar, je réaliserai les rêves de tous mes potes, je ferai plein de choses, je pense. Et tu réaliserais tes rêves aussi par la même occasion? Intrinsèquement, oui. Intrinsèquement. On va pas se mentir. Ouais. Si tu devais organiser un repas avec des artistes, t'inviterais qui? Ah ouais, c'est une énorme question, ça. Ça peut être des artistes décédés, ça peut être des artistes du coin de ta rue, ça peut être Kevin. Franchement, alors j'inviterais Freeze Corleone devant Roselyne Bachelot. Oh, et tu ferais quoi à manger? Et je ferais un couscous. Ça serait un ultimate des rapporteurs. Ah ouais, d'accord. Mais sans pitié, quoi. Si je te dis, derrière chaque grand homme, il y a une femme, t'en penses quoi? Je pense que c'est pareil pour l'inverse, derrière chaque grande femme, il y a un homme. Et la petite dernière, si ta fille, un jour, elle te dit qu'elle va se marier avec un vieux riche libidineux, tu lui dis quoi? Elle se mariera jamais. Ma foi. Merci. Je la débombe à chaque fois, sache que leur hache est proche, tâche. La vérité est proche avant le clash, pleura sanglant, taillé dans la roche, attache. De l'importance au sens dans mes textes, ose causer, viser en prose, puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une page, à qui profite la guerre? La PJ sort sur un rap en violent, Schwarzenegger. On s'en fout, t'écoutes pas et puis c'est tout. En cache mon business, plus cache la vérité, les goûts sont mérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça influe sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais en faisant de la monnaie. Donner puis recevoir au bonheur m'abonner. Oh, je boxe avec les mots, je vis aussi chaud, bouger sur le dos, apporte les barreaux. Les formules et autres politesses, nous on s'en fout, tu kiffes pas, renoir, t'es pour la bonne cause. La PJ sous une page, à qui profite la guerre? La PJ sans sur un rap, point violent, Schwarzenegger. Oh, on s'en fout, t'écoutes pas et puis c'est tout. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either ache or toll. Sell your soul, pound for pound, cost more than gold. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either up your nose or through your vein. With nothing to gain except killing your brain. We'll be right back. 18h-19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.